بسم الله الرحمن الرحيم دورة رمضان 1434 correspondant à juillet 2013 donné depuis Dar al-Hadith al-Salafiyya de Dammaj. 16e conférence sur la connaissance d'Allah par ses attributs de Abu Jabir al-Faransi hafidhahullah ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد الله le très haut dit إنما يخشى الله من عباده العلماء. Et parmi ceux qui craignent le plus Allah, parmi ses serviteurs, ce sont les savants. Liyan al-khoshya yakun bil-ilm, kama dhakal al-ulama. Parce que plus la personne va connaître Allah avec science, plus elle va aimer Allah. Yazdad bi hubban. Et plus elle va craindre Allah. Plus elle va s'éloigner de ce qui écarte de la miséricorde d'Allah, de se protéger min adabillah, de la colère d'Allah. Ayyuhan nas. Ce qui est connu chez le serviteur, son but, c'est qu'il voudrait se rapprocher plus de son Seigneur. Et il ne pourra s'en rapprocher plus qu'en connaissant avec science son Seigneur. Et c'est pour cela qu'on va parler de quelques attributs qui, inshallah, vont être une cause de se rapprocher d'Allah et Azza wa Jal. Qala Allah ta'ala, wa ma qadaru Allah haqqa qadri. Et ils n'ont pas estimé Allah comme il doit être estimé. Wa qawluhu ta'ala, wa lillahi al-mathalu al-a'la. Dans le sens de la traduction, Allah est le qualificatif suprême. Aya al-wasf al-a'la, la description la plus haute. Là où al-wasf al-akmal, al-wasf al-ajmal. Il a la description la plus parfaite et la plus belle. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أحدنا حب إليه المدح من الله أخرجه البخاري. D'après Abdullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a personne qui aime plus l'éloge qu'Allah, et c'est pour cela qu'il a fait l'éloge de lui-même. فَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ وَهَذَا بِكَمَلِهِ الْمُطْلَقِ. Et ceci de par sa perfection totale. Et parmi les causes d'obtenir l'amour d'Allah, c'est d'aimer ses attributs, ses sifat. وَالْمَحَبَّ sifat مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى. Et l'amour est un attribut parmi les attributs d'Allah. وَالْدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime. وهذا في دليل أن الله يحب ويحب. Il y a une preuve dans ces deux versets qu'Allah aime et se fait aimer. وجاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة une des épouses du prophète صلى الله عليه وسلم قال لها غير أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un homme à la tête d'un groupe. وَكَيْنَ يَقَرَوُ لِيَصَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ. Et cet homme leur dirigeait la prière. فَيَرْتِمُوا بِقُلُوا اللَّهُ وَحَدْ. Il a conclu la prière par il est Allah unique. فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils ont mentionné ceci au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال سالوا لأي شيء يصنع ذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé pourquoi il faisait cette chose, le fait de finir la prière avec cette sourate. فسالوه, ils l'ont interrogé. فقال يا ناس صفات الرحمن وانا احب ان اقرا بها. Il a dit c'est parce que c'est un attribut du miséricordieux et j'aime lire avec. فقال النبي sallallahu alayhi wa sallam اخبروه ان الله يحبه. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites-lui savoir Kalalen. Ceci a été une cause pour lui d'avoir obtenu l'amour d'Allah et Azzawajal. Le fait d'avoir aimé ses attributs. Et il y a une preuve dans ce hadith, Anna lila et sifat, qu'Allah a des attributs. Et parmi les attributs dans cette surah, wa min arzamiha, parmi ses plus grands attributs, el wahdaniya, l'unicité, Anna Allah wahid, certes Allah est unique, wa dalilu qawluhu ta'ala, kul huwa Allahu ahad, dit il est Allah unique. Wa fi hadith qudsi, rinda al-Bukhari, rana bi huraira ta'rudiyu ta'ala anhu, qal, قال الله تعالى وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. Dans un hadith divin, Allah dit, je suis l'unique, le seul être imploré, je n'ai jamais engendré et je n'ai pas été engendré non plus et nul n'est égal à moi. ومن صفات الله عز وجل الرحمة وهو أرحم الراحمين. Et parmi les attributs d'Allah, la miséricorde. والدليل قوله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. La preuve se trouve dans la parole du Très-Haut. Allah est le meilleur gardien et le plus miséricordieux des miséricordieux. وقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. Et ما miséricorde embrasse toute chose. وجاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل. D'après Abi Huraira, un homme est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم. Il avait avec lui un enfant. Il s'est mis à le serrer contre lui. Fajarala yadumu ilay. Faqal an-nabi sallallahu alayhi wa sallam atarhamuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu lui fais miséricorde? Il a répondu oui. Faqal fallahu arhamu bika minka bihi wa huwa arhamur rahimin. Il a dit, il est plus miséricordieux avec toi que tu n'es avec lui, et c'est lui le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. Wa min asbab rahmatillahi ta'ala an tarhama an-nas. Parmi les causes d'obtenir la miséricorde d'Allah, c'est de faire miséricorde aux gens. Wa an Jarir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la yarhamu Allah man la yarhamu an-nas. Akhrajahu al-Bukhari. D'après Jarir, le messager d'Allah a dit, Allah ne fait pas miséricorde à celui qui ne fait pas miséricorde aux gens. Wa min hadith Usama ibn Zayd, rinda al-Bukhari, qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam Sa'd, wa innama yarhamu Allah min 'ibadihi ruhama. D'après Usama, le messager d'Allah a dit à Sa'd, et certes, Allah fait miséricorde à ses serviteurs miséricordieux. Wa min sifatillahi 'azza wa jalla al-istijaba, et parmi les attributs d'Allah, l'exaucation, la réponse de la demande. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum, et votre Seigneur dit invoquez-moi, je vous répondrai. Wa ja'in at-Tirmidhi rahmatullahi 'alayhi min hadith Sa'd radiyallahu ta'ala an an-nabi sallallahu 'alayhi wa sallam qala allahumma stajib li Sa'd idha da'ak. Le messager d'Allah dit dans le recueil de Tirmidhi, oh Allah exauce Sa'd lorsqu'il t'invoque. Wa min asbab al-istijaba lillah, parmi les causes qu'Allah exauce ses invocations, ma jaa fi qawlillahi ta'ala wa idha sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu ad-da'wat ad-da'i idha da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque, qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Wa min radam al-istijaba lillah as-su'dhun billah wal istirjal fi ad-du'a. Wa parmi les causes de non-exaucation des du'a, la mauvaise pensée sur Allah et la précipitation dans l'attente de la réponse des invocations. Wa jaa fi musnad Ahmed rahmatullah ta'ala min hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala يقول الله تعالى انا عند الظن عبدي بي وانا معه اذا دعاني. Et d'après Anas, dans le Mousnad d'Ahmed, de l'imam Ahmed, je suis pour mon serviteur ce qu'il pense que je suis pour lui, et je suis avec lui lorsqu'il m'invoque. Wa fi riwayatin, in dhanna bi khayran falahu, wa in dhanna sharran falahu. Et dans une autre version, et s'il pense de moi un bien, c'est pour lui, et s'il pense un mal, c'est pour lui. Wa fi riwayatin ukhra, falyadhun bi ma sha'a, et qu'il pense de moi ce qu'il veut. ومن الاسترجال في الدعاء ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يرجل فيقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. Parmi la précipitation dans l'attente de la réponse des invocations, ce qui est venu dans Muslim d'après Abu Huraira, le messager d'Allah a dit, on exauce l'un d'entre vous tant qu'il ne se précipite pas en disant, j'ai invoqué mon Seigneur et il ne m'a pas exaucé. Wa min sifatillahi 'azza wa jalla al-'afw, parmi les attributs d'Allah le pardon. Wa dalilu qawluhu ta'ala fa inna Allah kana 'afuwan qadira. La preuve dans la parole du Très-Haut, certes Allah est pardonneur et capable. Wa dalilu ma ja'a 'inda Tirmidhi wa Ahmad wa ghayrihima min hadith Aisha radhiyallahu ta'ala 'anha anna qalat ya Rasulullah ara'aita an ufiqtu laylat al-qadr ma ad'u qala taqulin allahumma innaka 'afuwun tuhibbu al-'afwa faghfir anni. Et la preuve, ce qui est venu Dans le recueil de Tirmidhi et dans le Mousnad de l'imam Ahmed et dans d'autres recueils d'après Aïcha, elle a dit au messager d'Allah, qu'est-ce que je dis si je me retrouve dans la nuit du destin? Il a dit, tu diras, oh Allah, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Qu'Allah nous permette de trouver cette nuit et de l'invoquer par cette dora. Wa min sifatillahi ta'ala at-taub, parmi les attributs d'Allah, l'accueil du repentir. Wa dalilu qawluhu ta'ala wallahu yuridu an yatuba alaykum, la preuve dans la parole du Très-Haut, et Allah veut accueillir votre repentir. Wa min as-sunnah ma jaa fi sahih Muslim rahimahullahu ta'ala min hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala law kana li ibn adam wadin min dhahab أحبنا له واديا آخر ولا يملأ فاه إلا التراب والله يتوب على من تاب. Et dans la tradition, ce qui est venu dans Muslim, d'après Anas, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah dit, si le fils d'Adam avait une vallée en or, il aimerait en avoir une autre, et rien ne remplit son vote sauf la terre, et Allah accueille le repentir de celui qui se repent. وجاء في مسلم ايضا من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. D'après Abu Huraira dans Muslim, le messager d'Allah dit, celui qui se repent avant que le soleil ne se lève du couchant, Allah accueille son repentir. Et il faut savoir qu'après que le soleil se soit levé du couchant, plus aucun repentir ne sera accepté, et le fait que le soleil se lève du couchant fait partie des grands signes de la fin des temps. قال العلماء التوبه واجبه من كل ذنب. Et la taouba, comme ils ont dit les savants, elle est obligatoire pour tous les péchés. فَإِنْ كَانَتَ الْمَعْصِيَةَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى. Et si le péché il était entre le serviteur et entre Allah, لَتَتَعَلَّقْ بِحَقْ أَدَمِي فَلَا ثَلَاثَ شُرُوتٍ. Et si la taouba, elle était entre le péché, était entre le serviteur et Allah, elle a cela sa chourou, trois conditions. Ahadouha, an yaqlira anil marsiya, qu'il délaisse ce péché. Wethani, deuxième, an yandamar ala fi'liha, qu'il regrette ce qu'il a fait. Wethalisa, troisième, an yarzima an la yaruda ilayya abadan, qu'il se la ferme conviction de ne pas revenir à elle. Wa in kanat al marsiya tataallaq bi adami, fa shurutuha arba'a, hadhihi thalatha, wa an yabra'a min sahibiha, qu'il s'acquitte de ce qu'il a fait si c'était entre lui et une autre créature. فَإِنْ كَانَتْ مَالًا أَوْ نَحْوَهُ رَدَّهُ إِلَيْهِ. Et si c'était de l'argent qu'il avait pris, il faudrait lui rendre. وَإِنْ كَانَتْ رِبَاتًا طَلَبَ عَفْوَهُ. Et si c'était du riba, de la calomnie, une parole qu'il a dit sur son propre frère, il faudrait qu'il revienne à lui et qu'il lui demande pardon. وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ 100 مَرَّةً مِنْ حَدِيثِ غَرَبَ بْنِ يَسَارَ الْمُزَنِّي فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ. Le prophète صلى الله عليه وسلم disait, oh vous les gens, repentez-vous à Allah, parce que je me repens 100 fois par jour. وَمِنْ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ السِّتْرُ أَنَّهُ يَسْتُرُ الذُّنُوبَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ فِي الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et parmi les attributs d'Allah عَزَّ وَجَلَّ, c'est qu'il cache les péchés de qui il veut parmi ses serviteurs, dans ce bas monde et au jour du jugement. والدليل من السنة ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى من حديث صفوان بن محرز المازني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يثني المؤمن فيدعو عليه كنفه ويستره. Dans l'au-delà, Allah rapproche le croyant et il le cache avec sa sutra. Fayaqul Allah Ta'ala alaydi, ata'rifu dhanba kadha, ata'rifu dhanba kadha. Est-ce que tu reconnais ce péché? Est-ce que tu reconnais ce péché? Fayaqul na'am ay rabbi. Il dit oui Seigneur. Hatta idha qarrarahu bi dhunubihi, jusqu'à ce qu'on lui fasse reconnaître ses péchés. Wa ra'a fi nafsihi annahu halak, et jusqu'à ce qu'il sente en lui-même qu'il est perdu. يقول الله تعالى قال سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. Je te les ai péchés, je te cache tes péchés dans ce bas monde et je te les ai pardonnés aujourd'hui. ومن اسباب الستر, parmi les causes qu'elle nous cache, ما جاء في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. Et dans le Bukhari, d'après Ibn Umar, le messager d'Allah a dit, celui qui cache un croyant, Allah le cache le jour du jugement. ومن صفات الله عز وجل, parmi les attributs d'Allah, l'élévation. يرفع الله من يشاء من عباده, Allah élève qui il veut parmi ses serviteurs. والدليل قوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش, la preuve dans la parole du Très-Haut, il est celui qui élève au plus haut degré, possesseur du trône. وجاء عند مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين. Et dans Muslim, d'après Omar, qu'Allah l'agrée, certes Allah élève par ce livre un peuple et il en rabaisse un autre par ce livre. Wa fi sahih Muslim min hadith Thawban radiyallahu ta'ala an anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala alayka bi kasrati sujud lillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: accroche-toi à faire beaucoup de prosternations pour Allah. Fa innaka la tasjudu sajdatan, parce que tu ne te prosternes pas pour Allah, illa rafa'a Allah biha, rafa'aka Allah biha, sans qu'il ne t'élève par cette prosternation, wa hattaranka biha khatiya, et qu'il ne t'efface par elle tes erreurs. Wa min sifatillahi azza wa jal al-qurb, parmi les attributs d'Allah la proximité, le fait qu'il soit proche, wa ad-dalilu qawluhu ta'ala, wa idha sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. La preuve dans la parole du Très-Haut, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Wa ad-dalilu min as-sunnah ma jaa fi sahih Muslim rahmatullahi 'alayhi min hadith Abi Musa radiyallahu ta'ala an anna nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam qala wa alladhi tad'unahu aqrab ila ahadikum min 'unuqi rahilati ahadikum. D'après Abu Musa, le prophète sallallahu 'alayhi wa sallam a dit: celui que vous invoquez est plus proche de l'un d'entre vous que le cou de sa propre monture. Wa fi Muslim 'inda Abi Hurayra radiyallahu ta'ala an anna nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam qala أقربه ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. D'après Abu Huraira dans Muslim, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah a dit: le plus proche que le serviteur est de son Seigneur et lorsqu'il est en prosternation, alors faites beaucoup d'invocations. Et parmi les attributs d'Allah qui nous montrent sa grandeur, son élévation, sa hauteur, وَمِنْ صِفَاتِي الْعُلُوَ الْفَوْقِيَّ أَنَّ اللَّهَ فَوْقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ, que certes Allah est au-dessus des sept cieux, وَهُوَ مُسْتَوِيٌ عَلَى عَرْشِهِ, et qu'il est élevé sur son trône, وَلَيْسَ فَوْقَهُ شَيْءٌ, et il n'y a rien au-dessus de lui. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ. La preuve dans la parole d'Allah: êtes-vous à l'abri que celui qui est au ciel? Fi Sama laysa huna fiya zarfiya wa huwa bima'na 'ala as-sama ay fawq as-sama. La lettre fi dans le verset ne veut pas dire dedans, mais son sens veut dire sur, bima'na 'ala, comme on dit nos salaf, nos pieux prédécesseurs. Qala ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arsh istawa. Le très haut dit: le tout miséricordieux s'est élevé sur son trône. Wa bayyana ma jaa fi sahih al-Bukhari rahimahullahu ta'ala min hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an anna Zainab zawj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kanat taqul inna Allah ankahani fi as-sama. D'après Anas, Zainab disait: Allah m'a marié dans le ciel. Wa fi riwayat al-Bukhari kanat taqul zawajani Allah min fawqi sab'a samawat. Et dans une autre version elle disait qu'elle m'a marié au-dessus des sept cieux. La deuxième version du hadith explique la première version: fi huna bima'na 'ala ay bima'na fawq. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند النوم: اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء. D'après Abu Huraira dans Muslim, le messager d'Allah a dit: oh Allah, tu es l'apparent, il n'y a rien au-dessus de toi. Et ceci est une règle générale, qu'il n'y a rien au-dessus d'Allah. وفي مسلم أيضا عن معاوية ابن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: رسول الله. D'après Mouawiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à la servante: où est Allah? Elle a répondu: dans le ciel. Il a dit: et qui suis-je? Elle a répondu: le messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: libère-la car c'est une croyante. Et ceci a été une cause de sa libération et aussi un dalil sur sa foi, sur sa croyance. Wa min sifatillahi azza wa jal, parmi les attributs d'Allah, la descente. Wa ad-dalilu min as-sunnah ma jaa fi al-Bukhari min hadith Abi Hurayra radhiyallahu ta'ala an anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala: yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluth laylati al-akhir. يقول من يدعوني فاستجب له ومن يسألوني فأعطيه ومن يستغفروني فأغفر له. والحديث في البخاري. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il descend, il dit: qui m'invoque, que je l'exauce, qui me demande, que je lui donne, et qui me demande pardon, que je lui pardonne. وَلِهَذَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقُومَ آخِرَ اللَّيْلِ وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَيْقِظًا يُصَلِّي وَيَدْعُو اللَّهَ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَإِنَّهُ وَقْتُ قُبُولِ الدُّعَاءِ وَلَا يَنَامُ فِي هَذَا الْوَقْتِ وَيَحْرِمُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَرِيبٌ مُجِيبٌ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَيَغْفِرُ الذُّنُوبَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَلَكِنْ تُوجَدْ أَوْقَاتٌ تَكُونُ الْإِجَابَةُ فِيهَا أَكْثَرُ مِثْلُ هَذَا الْوَقْتِ وَمِثْلُ الساعة التي في يوم الجمعة كما توجد أحوال تكون الإجابة فيها أقرب مثل حال السجود ومثل حال السفر والله يغفر ويعطي ويسمع الدعاء ويجيب في كل وقت من ليل أو نهار. ومن صفات الله عز وجل أن الله يظل في ظل عرش من شاء من عباده يوم القيامة. Et parmi les attributs d'Allah, le fait qu'Allah ombrage qui il veut parmi ses serviteurs à l'ombre du trône le jour de la résurrection. Wa dalilu min as-sunnah ma jaa fi sahih al-Bukhari min hadith Abi Hurayra radhiyallahu ta'ala an rani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Et dans un hadith d'Abi Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que 7 personnes seront à l'ombre du trône le jour il n'y aura d'ombre que son ombre. Imam Adil, un imam juste. Washabun Nakha'a fi ibadati rabbih, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Warajulun qalbuhu mughallaqun fi al-masajid, et un homme que son cœur est accroché aux mosquées. Warajulani tahabba fi Allah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, et deux hommes qui se sont connus en Allah, ils se sont rassemblés pour lui et ils se sont séparés pour lui. Warajulun talabatu imra'atun dhatu mansib wa jamal, et un homme qui a été demandé par une jolie femme. Faqala inni akhafu Allah, et il a dit j'ai peur d'Allah, je crains Allah. Warajulun tasaddaqa, un homme qui a fait l'aumône. Akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Warajulun dhakara Allah khaliyan fafadat 'aynahu, et un homme qui s'est rappelé Allah jusqu'à ce qu'il a pleuré. Wa bayyana ma jaa fi musnad Ahmad an Muadh radiyallahu ta'ala an sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul al-mutahabbuna fi Allah fi dhil al-'arsh yawma la dhilla illa dhilluh wa yaghbituhum bi makanihim an-nabiyyun wash-shuhada. Et dans le musnad d'Ahmed, d'après Muadh, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que ceux qui se sont aimés en Allah seront à l'ombre du trône, le jour il n'y aura d'ombre que son ombre. Ils vont les envier de leur place, les prophètes et les martyrs. Et la deuxième hadith explique que l'ombre, ici, c'est l'ombre du trône. Wa fi muslim, an abi hurayra radhiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allah yaqul yawm al-qiyamah alayhi wajir, au jour de la résurrection, aina al-mutahabbuna bi jalali, où sont ceux qui se sont aimés en ma majesté. Al-yawma udhilluhum, le jour où je vais les ombrager. Fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Wa nastaghfirullah wa natubu ilayh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.